m'a demandé de parler d'amour, m'a demandé de parler d'amour. Qu'est-ce que j'y connais, moi. Qu'est-ce que j'y connais, moi. On m'a demandé de parler d'amour, m'a demandé de parler d'amour. Tu peux l'expliquer, tu peux l'expliquer. Écoute, yeah. Tu sais, moi j'ai arrêté de pleurer depuis le jour où une fille s'est foutue de ma gueule. Je me suis enfermé sur moi-même et j'ai voulu faire disque. Je veux pas te parler d'amour à l'eau de rose, ni d'une histoire de collège pas gel à l'époque. Je me faisais des coupes à l'eau chaude. Parfois je me dis que l'amour c'est l'escroquerie du siècle. Parfois que c'est la seule chose qui nous donne de la force avant de toucher le ciel. Quand nos rêves embrassent le sol, comment puis-je te parler d'amour? Le peu que je sais de lui et qu'il est synonyme de force. J'ai beaucoup écouté Gainsbourg et puis j'ai rêvé d'une belle histoire comme un gosse. J'ai trouvé de la force, de la vie, l'espoir dans ton regard. T'as soufflé la poussière de mon cœur, lui a enfilé une polaire, lui qui était glacial. Celui qui prétend t'expliquer l'amour est un escroc. Car certains sentiments ne trouvent pas de place dans les mots. Peut-il chasser tes démons, te soulager quand la douleur te démange? De lui vient la haine, la source d'inspiration de tous les péplums. Aimer c'est se condamner à souffrir un jour, à en crever. Rien n'est éternel et ça vaut pour l'amour. Une rose sur mon morceau vient juste de faner. Yeah. Qui peut te parler d'amour? Qui peut te parler d'amour? Vegas, mon pote, qui peut te parler d'amour?